Dans un poème que les élèves des pays arabophones connaissent bien, le poète égyptien Ahmed Shaouki, surnommé le prince des poètes, fait l'éloge de l'enseignant dans la lutte contre l'obscurantisme et va même jusqu'à comparer la mission du maître d'école à celle d'un prophète. En deux vers seulement, le débat est lancé. Quel est le lien entre l'éducation à l'école et l'éducation religieuse ? À quelques jours de l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty, le 19 octobre dernier, France Culture organise aujourd'hui une journée spéciale autour des combats contre l'obscurantisme et pour l'éducation. Alors de quelle manière l'école et la religion peuvent-elles cohabiter en République ? Comment articuler enseignement sacré et valeurs républicaines ? Notre invité ce matin est Hassen Chalgoumi, imam à la mosquée de Drancy. Lève-toi en hommage à ton maître et sa mission, qui, avec celle des prophètes, est en relation. Lui, l'artisan de la droiture des comportements et du modelage des personnalités, dextrement, c'est lui qui sait corriger les faux raisonnements en détectant leurs déficiences rationnellement. Mais si le maître ne se comporte pas en juste, la justice chez la jeunesse ne peut être que fruste. Et s'il n'agit pas avec responsabilité, cela ternit sa légitime exemplarité. Inculquer chez les jeunes l'équité et ses valeurs pour qu'adultes, des droits, ils soient les garantisseurs. Bonjour Hassen Chalgoumi. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je l'ai dit, vous êtes imam à la mosquée de Drancy, vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages pour l'islam de France, Agissons avant qu'il ne soit trop tard, c'était coécrit avec David Pujadas, 100 idées reçues sur l'islam aux éditions Cherche Midi. Vous allez faire paraître un livre qui s'appelle Les combats d'un imam de la République. Pensez-vous que la mission de l'enseignant à l'école soit, comme l'écrit le poète Shaouki dans le poème que nous venons d'entendre, en relation avec celui des prophètes? Vous savez, depuis que je verse mes yeux au maternel en Tunisie, quand je rentre au maternel, je vois comme le muallim wa wafihi tabjila kad al muallim an yakuna rasula. Ça, c'est celle de Ahmed Shaouki, qui montre la grandeur et l'importance d'un professeur et enseignant. Dès que j'ai vu ça, ça veut dire que je rentre dans un milieu sacré pour moi. Le prof, la professeure, la maîtresse, le maître et aussi l'école. Je trouve que c'est ça qui nous manque. Les bons souvenirs de la Tunisie, dès que je rentrais aussi au collège, au primaire, je vois ces deux-là toujours étaient là. Déjà, le drapeau qui était en face de moi, à l'entrée, et aussi tout ça. Malheureusement, c'est triste qu'on commence à perdre, c'est dégradé par génération. Pour moi, il y a un très très beau proverbe de l'imam Ali. L'imam Ali, un des personnages connus très importants de l'islam, qui était aussi marié avec la fille du prophète de l'islam. Man 'allamani harfan sartu lahu 'abdan. C'est quoi? Je suis reconnaissant à qui m'éduque. Chaque personne qui me donne l'éducation, le savoir, je suis reconnaissant à des personnes qui me donne le savoir, qui m'éclaire. Et ça, je trouve que c'est très important, quel que soit pour les parents, ou nous, les religieux, dans nos prêches. Oui, mais justement, vous avez employé le mot sacré pour parler de l'école. Dans quelle mesure est-ce que l'école, nous sommes en République ici, l'école républicaine, serait sacrée au même titre que la mosquée dans laquelle vous prêchez? C'est pas la même chose? Oui, madame, il est sacré. La sacralité, c'est pas seulement le texte. Pourquoi les textes en général? Tous les textes, quel que soit le Coran, le Bible, l'Évangile, tous ces textes-là, ils sont pour l'homme. Ils sont pour que la sacralité de la vie humaine, pour que l'homme il soit sacré, pour que l'homme il a autant de liberté, autant de place. C'est pour le protéger, pas pour le massacrer, pas pour le dénier. Non, la place de l'homme, elle est tellement importante. Regardez sourate 6, verset 151. Ne tue pas la personne humaine, car Allah, il l'a déclaré sacré. Et qu'est-ce qu'on apprend dans l'école française républicaine? que l'homme il a sa place, le respect de l'autre, qu'on apprend la légalité, fraternité et liberté, c'est l'homme. Et je pense que c'est un lieu sacré, c'est un lieu aussi très important, il n'y a pas plus sacré que nos enfants. Il n'y a pas plus important pour nous, pour nos enfants. Où on peut le mettre? À l'école. Entre les mains de qui? Entre les mains de ses profs et ses professeurs, et ses maîtresses et ses maîtres. Entre leurs mains, on donne l'avenir de nos enfants, la sécurité morale et physique aussi, parce qu'ils veillent sur eux. Et s'il ne devient pas ce lieu sacré, comme pour moi, je parle de la sacralité, pas seulement religieuse, l'importance que c'est un lieu digne, que c'est un lieu, il faut être à la hauteur, il faut se préparer. Vous savez, quand je rentre à la prière, ou un fidèle il rentre dans une mosquée ou dans une église, synagogue, il se prépare moralement de rentrer. C'est comme ça qu'on prépare nos enfants. Mais est-ce que vous, vous considérez vous comme un enseignant? Oui. Qu'est-ce que vous enseignez, vous? On transmet le savoir. Pardon? On transmet le savoir. Quel savoir? Le savoir de Coran, le savoir de prophète de l'islam, le savoir qu'est-ce que j'ai appris, moi, de mes profs, quand j'étais en Inde. Alors racontez-nous justement, ça c'est intéressant. Si vous, vous considérez que l'imam a un rôle d'enseignant, il va falloir le définir, c'est pas le même que le rôle de l'enseignant dans l'école républicaine. Et surtout, comment l'imam lui-même a-t-il été formé? Comment se forme un imam? Comment avez-vous été formé? Mon parcours, il est typique. Je suis né en Tunisie. Père d'origine algérienne, mais il est né en Tunisie. Ma mère, elle est tunisienne. Famille modeste. Nous, on est trois frères et une sœur. La plus importante chose pour notre père, c'est l'école. C'est l'école. Ma mère, pareil. Ma même femme au foyer. Vous savez, dès qu'on retourne, travailler. Le père, quand il arrive de travail, il dit, mangez le livre. Manger le livre, parce que moi, je travaille, j'ai pas arrivé avec mes études. Mes parents, ils étaient pauvres, orphelins, et tout ça. Et ça fait que l'importance de l'école, elle était importante à la maison. Elle était sacrée. Il y a un moment, l'année 88-89, j'avais 17 ans, je vois ma mère, elle pleure. Je demandais, qu'est-ce que t'as? Elle m'a dit, regarde. On a une vieille télé à l'époque, noir blanc, et je regarde loin, je vois les massacres de Ouergla, en Algérie. Une femme était brûlée par les islamistes, les fanatiques. Parce que nous, on a laissé l'Algérie seule. Désolé. On a laissé l'Algérie pendant une dizaine. Nous, l'Occident, l'Europe, tout le monde. Parce qu'ils ont souffert, les Algériens. 200 000 morts par les islamistes. Et les Algériens, ils ont resté, ils ont résisté. Et je leur rends hommage. Et aujourd'hui, je pense à tous ces martyrs, toutes ces personnes qui sont mortes au nom du terrorisme, au nom de l'islamisme en Algérie. Cette période, c'était choquant pour moi. Je dis, mais attends, un homme de foi, un homme de paix, un homme d'amour, il n'a pas le courage ni la force de craser une fourmi. Comment il peut assassiner des vies, brûler des personnes? Il massacre des bébés. Je dis, mais non. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans, 17 ans. Je suis quelqu'un, j'étais très très proche de ma mère. Il m'appelle le fils à sa mère. Très proche. C'est l'amour pour moi. C'est la maman. C'est mon sacré à moi aussi, c'est ma mère. Et aujourd'hui, si je l'appelle pas, j'entends pas sa voix. Une journée qui est incomplète pour moi. Et ça, si je l'ai inspiré aussi de ma religion, je trouvais tout. Et dès que j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, c'est pas normal. Je commence à lire. Et j'ai parlé avec ma mère et mes parents. Quand je termine mon bac, j'ai envie d'aller étudier. Je veux savoir pourquoi il est comme ça. Je veux connaître ma religion. C'était un peu compliqué en Tunisie, mais en étudiant en parallèle. J'étais au lycée Al-Alawiya, c'était un lycée connu, qui a eu beaucoup de personnalités qui ont terminé, jusqu'à l'année de bac. En même temps, j'ai appris Zaytouna. J'ai des professeurs, parce que l'université Zaytouna, c'est une université tunisienne, éclairée, connue. Jamia Zaytouna, on l'appelle. C'est des soufis que je commence à apprendre la religion. Après l'année de bac, et là, je suis quelqu'un qui aime voyager. Je dis à mes parents, je veux voyager. Et je suis parti à Damas. C'était l'année 90. Et là, vous 90. Aviez déjà en tête de devenir imam ou juste oui, d'étudier? Oui, étudier, apprendre. Apprendre à être quelqu'un éclairé, quelqu'un qui peut aider les autres pour parler. Parce que je trouvais quand même autour de moi, dans cette période en Tunisie, une jeunesse qui a soif. La faute qu'il a fait, je rends hommage à Bourguiba. Bourguiba, c'est le fondateur de la nation de la Tunisie, où il a donné deux choses importantes pour la Tunisie. La place de la femme et l'éducation. l'école. Vous savez que Bourguiba, grâce à lui, grâce à cet homme, même il y a des villages aux frontières de l'Algérie, aux frontières de Libye, il a mis des écoles partout. Il a donné l'occasion à chaque citoyen tunisien et tunisienne, il peut aller à l'école, et grâce à l'école, il s'en sort. C'est un peuple éclairé, et je suis fier d'appartenir de ce peuple. Mais il y a une période, Ben Ali était un peu dur, pourquoi? Je comprends par rapport à les islamistes, mais quand on déserte les personnes qui connaissent rien de la religion, parce qu'elle a commencé à s'attaquer à la religion, je comprends, par peur de l'islamisme et la guerre civile en Algérie. Mais en même temps, éclairer les personnes. Parce que quand une jeunesse, elle devient ignorante, c'est facile d'être un proie et récupéré par ces islamistes. Quand je suis parti à Damas, c'était le moment le merveilleux de ma vie aussi. J'ai passé 2 ans, l'année 90. Vous savez, mon université, Shahr al-Mustapha, juste en face, il y avait une église. J'ai trouvé une harmonie incroyable. L'église, elle est en face, les Bahaïs qui n'est pas loin, les chiites, les sunnites. C'est un moment merveilleux à l'époque, l'année 90, l'année 2. Et ça me permet, dès que je suis arrivé, d'apprendre les sectes et mouvances. Parce qu'en Tunisie, on était tous sunnites. La même école, elle s'appelle l'école malikite. Tous. Mais quand je suis arrivé à Damas, il y avait tout le monde. Il y avait beaucoup de diversité, beaucoup d'écoles, beaucoup de visions, beaucoup de non-croyants, de croyants. Et j'ai appris c'est quoi les sectes, qu'est-ce que ça veut dire les frères musulmans, le salafisme, qu'est-ce que ça veut dire les Bahaïs, qu'est-ce que ça veut dire les Habashides, qu'est-ce que toutes ces mouvances, toutes ces mouvances. Et là, j'ai appris ça. Et après, vous avez continué à voyager, vous êtes allé à Damas, vous êtes allé en Turquie, en Iran, voilà, au Pakistan, en Inde. J'ai fait tout ce trajet-là pour aller avec mes moyens. Vous savez, je ne m'oublierai jamais. Quand j'étais à Damas, j'avais un peu d'argent que mes parents qui m'ont donné. Et c'était une période qui était difficile pour le fils de sa mère, qu'il est tellement lié à sa mère. Et je te lis cet argent pour l'appeler, tous les jours presque. Et ma mère, elle m'a dit, attends. Attention, ça coûte cher à l'époque, vous savez, une minute presque 5 dollars ou 10 dollars. Je dis non, ma mère, sont généreux les Syriens, ils me m'offrent. Et ça m'a touché énormément jusqu'à ce que je lis des livres. Le voyage, ça continue. Pourquoi je voulais aller dans le monde non arabe? Il faut comprendre, il faut que nos concitoyens comprennent que le monde musulman a à peu près 1,5 milliard. 20% ce sont des Arabes et 80% non arabes. 80% du monde musulman non arabe. Et c'est là, j'étais touché par un soufi, un éclairé à Damas, qui était un Indien. Quand il m'a parlé de l'Inde, il m'a parlé de la philosophie, les grandes écoles aussi soufis, et c'est là, ça m'a donné envie de voyager. Et j'ai terminé, j'ai commencé mon voyage, j'arrivais à Lahore, c'est un grand centre universitaire. J'ai resté presque 3 ans, et j'ai resté 1 an en Inde. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris en Inde l'islam de Gandhi. C'est un peu comparé, parce que Gandhi n'était pas musulman, mais l'islam de Gandhi, pourquoi? C'est pas l'islam de la confrontation. Non, qui s'adapte. C'est un islam où les gens, où vous trouvez la vie et la vie de l'autre, le respect de l'autre. Ça m'a donné la richesse de connaître les gens, la richesse de s'ouvrir à tout ce monde-là. Jusqu'à l'année fin 96, je viens d'arriver le 24 décembre. C'était une journée de fête, je suis arrivé en France. Et à quel moment est-ce que vous devenez imam? Comment? Parce que là, du coup, oui, on voit votre travail, ce que vous avez appris. Vous avez la connaissance. Il y a deux différences. On va parler de, dans les pays arabes ou musulmans, il y a un ministère qui s'appelle ministère des affaires religieuses. Eux, quand vous ramenez vos diplômes, vos connaissances, ils vous font un test. Ça y est, ils vous donnent l'attestation comme quoi vous êtes un imam pour prêcher la prêche de vendredi ou les 5 prières. Mais avec la connaissance. Dans cette période, j'ai appris le Coran, j'ai appris la langue arabe, j'ai appris aussi le fiqh, le jurisprudence, j'ai appris le sirah, la vie du prophète, j'ai appris le fiqh al-muqaran, ça veut dire la différence entre les jurisprudences, les savoirs. Ça, c'est pendant presque 6 ans. Dans les pays arabes, dès que vous avez fait votre test, vous aurez votre attestation comme quoi vous êtes un imam, et après vous êtes dédié à telle mosquée, au tel endroit, au tel centre, et vous êtes rémunéré par cet ministère. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Ça, on dit non. En France, non. En France, c'est un pays laïque. Comment on fait? C'est par la communauté, par votre communauté, la communauté musulmane de tel pays ou telle ville ou tel endroit, il vous choisit, voilà, et vous devenez votre imam. Ou bien un accord entre vous, il est responsable à l'associative de la mosquée, voilà. Quand je suis arrivé en France, j'étais imam au foyer de Bobigny. c'était l'année 97, et c'est là j'ai vu quand même le foyer, il était sous sol, et c'était une période qui était très très difficile. Donc ça veut dire que c'est la communauté qui vous choisit comme imam, c'est ça ? Il choisit, tout à fait. Une communauté où les responsables associatifs, je parle de France, mais il faut aussi vos connaissances religieuses. Il faut que vos diplômes, vos connaissances religieuses. Mais à qui vous montrez ce diplôme-là ? Le responsable associatif, vos responsables associatifs, ou la communauté, et aussi, à part vos, quand vous faites vos prêches, ils trouvent un accord avec vos prêches. Et c'est là, ils vont dire, on aimerait vous garder, vous êtes notre imam et tout ça. Ou vous serez salarié de l'association, ou vous travaillez d'autres travail en même temps, et vous donnez la prière de vendredi bénévole. Est-ce que vous considérez que le rôle de l'imam est de représenter sa communauté ? Je pense pas. C'est une voix parmi les voix. C'est pas question de représenter. Parce qu'on a un vrai problème en France. Un imam, c'est une voix de sagesse. C'est un imam, c'est une référence. Un imam où les gens qui ont besoin d'écouter, ils viennent. Des questions sur leur quotidien. Il n'y a pas que le côté aussi religieuse. Il y a le côté aussi familial, sociaux, relationnel. Ce qui rend le rôle de l'imam extrêmement problématique, et notamment par le fait qu'il n'y a pas de représentation officielle de l'islam en France, justement, en termes de représentation religieuse. Si bien qu'on peut tout à fait dire que cet imam ne me représente pas en tant que musulman, et cet imam me représente. Est-ce que ça a un sens ? Malheureusement, ça, c'est le problème en France. C'est typique en France. Il y a tellement de divergences, tellement de divisions, tellement de tensions à l'intérieur. Entre musulmans ? Oui, absolument, absolument. Vous savez, il y a 30 ans, ça, c'est moi, je rejette un peu la faute entre deux parties. La faute de la politique et la faute aussi de la communauté musulmane. Il y a deux parties. Quand j'étais en 97, je vois des mosquées algériennes, et marocaines, et turques, Malien, j'ai compris que l'islam ici, c'est pas un islam de France. C'est un islam lié à les pays d'origine. Et ça, vous trouvez que j'étais étonné un peu pakistanais, indien, parce que comme je parle très très bien la langue pakistanaise, ordo, je parle la langue aussi tamoul, la langue indienne. J'étais étonné comment ils sont divisés selon la nationalité. Et deuxièmement, selon les mouvances. Parce que j'ai trouvé, il y a des mosquées salafistes, il y a des mosquées frères musulmans. J'étais choqué. À partir de l'année 99, je commence à dire, mais attendez, vous êtes tous des Français, vous êtes tous des musulmans, vous vivez ici. Pourquoi il n'y aura pas une mosquée tout le monde ensemble? On arrête. Et c'est là que c'est venu à l'intérieur de moi de dire non, c'est pas normal. Et je trouvais que la priorité, la première, c'est quoi? C'est la formation des imams. Et là, je créais plus tard la conférence des imams de France pour parler de la formation des imams. Pour parler aussi comment le discours religieux... Parce qu'aujourd'hui, la plupart des imams sont formés à l'étranger. Majorité, bien sûr, parce que l'islam, il y a 30 ans, la laïcité séparait le pouvoir de la religion. C'est pas l'État de régler ce problème-là. Ils ont laissé un peu les États étrangers gérer les mosquées de leurs compatriotes d'origine. Et ça veut dire ils l'envoient. Il y en a 700 imams presque, de l'étranger, qui sont fonctionnaires à peu près de l'étranger. Et le reste, il n'y a pas de formation des imams. Il n'y a pas. Ce sont la deuxième génération. Et comment savoir quelques jeunes qui apprennent et tout ça, qui sont nés en France. Et comment savoir ? Ce qui est assez inquiétant de la part, justement, si vous êtes imam et vous essayez de transmettre une certaine vision de l'islam, si les imams eux-mêmes ne sont pas formés en France, est-ce qu'il n'y a pas un décalage qui se crée entre la conception de l'enseignement que eux délivrent dans leur prêche, par exemple, en tant qu'imam, et celui de l'école républicaine ? C'est sûr et certain. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui ne connaît pas le quotidien d'un Français, parce qu'ils ont leur propre quotidien. Est-ce que le quotidien d'un citoyen musulman qui vit en France, c'est comme il vit en Algérie, ou en Tunisie, ou au Maroc, ou au Pakistan, ou ailleurs? Non, pas du tout. Ça veut dire, la prêche, il faut que ce soit au quotidien de ces Français. Il faut que réponse à leurs difficultés, à leurs problèmes spirituels, leurs problèmes familiaux, leurs problèmes avec leurs enfants. C'est là le problème. Mais malheureusement, quand il y a des prêches islamistes ou des prêches qui sont en décalage total, elles essaient de décaler, essaient d'isoler. Je rends hommage au président de la République, Emmanuel Macron, quand il parle de séparatisme. C'est une réalité. Parce que la prêche elle-même, cet imam, lui, il essaie de séparer ses citoyens du reste de la République. On est en train de voir les gaouris, les infidèles, les koufars. C'est des propos que j'étais choqué, moi. Ça n'existe pas le mot kofar pour moi. Même le mot kofar dans le Coran, vous savez que ça veut dire le mot kofar ? Non. Ça veut dire, le kofar, c'est l'agriculteur. C'est de changer la terre, de transformer la terre. De quand j'ai entendu ça, je dis mais attendez, quelle vision ? Comment ? C'est là que j'ai voulu écrire un livre sans idée reçue de l'islam, parce qu'il y a tellement des mots, il y a tellement des choses qui sont modifiées, comme ils ont modifié le discours du président de la République, ils ont modifié la laïcité, ils sont devenus la laïcité ennemie, ils ont modifié aussi les caricatures, on dirait sans cibler que les musulmans. Mais quand vous dites ils, c'est qui ? Ils, c'est les islamistes. L'islamisme et l'islamisme, c'est le poison de l'islam. C'est le poison, malheureusement. C'est notre combat interne. Vous savez, il faut que nos concitoyens français, quelle que soit leur religion, leur vision aussi, là, leur religion, il faut qu'ils comprennent que 80%, comme il a dit le président de la République, qui paye cher, c'est les musulmans. 80% dans le monde musulman. Regardez, au Libye, Syrie, au Yémen, en Irak, au Somal, partout, c'est massacre au nom de la religion. Et quand l'autre, il prend l'arme, il tue, il dit Allahu Akbar. Et l'assassin, et la personne qui était assassinée, il dit Allahu Akbar aussi. C'est l'islamisme, c'est au poison, là, malheureusement. Il faut le combattre. Quand je parle de ils, ces gens-là qui veulent pas s'intégrer, ces personnes qui veulent une vision de la religion, c'est quoi c'était ma faute. 2005, 2004, je commence à trouver quand même il y a un vrai problème entre les musulmans et la communauté juive. Mm-hmm. L'antisémitisme chez les jeunes musulmans, il est énorme, énorme. J'ai entendu des mots sur la communauté juive, j'étais choqué 2004, 2005, je dis mais non, c'est pas normal. Ce sont la famille des livres. Vous savez, avant, ils mettent les gens de livres. Moi, dans mon livre, je dis non, la famille des livres. Parce que, Ahlul Kitab, quand on le traduit, Al-Ahliya, ça veut dire, ce sont la famille. C'est pas les gens. Qu'est-ce que ça change de parler de la famille du livre et pas la famille des gens? Les gens, c'est des étrangers. La famille, nous sommes notre famille. Et ça, on vous l'a beaucoup reproché d'avoir repris le rapprochement avec les juifs. De me traiter les mêmes du juif, de me traiter tous les noms. J'étais fier. Vous savez, j'ai une fille que je leur hommage maintenant. J'ai l'honneur que mes 4 enfants sont universitaires. J'ai 2 filles qui sont en médecine. J'ai une fille, deuxième année fac aussi, Sorbonne. Mes enfants, je suis fier. Je suis fier si mes yeux m'éclairent. Quand ils étaient petits, ils l'ont posé la question, votre père est le nom lui-même du juif. Elle a dit, mon papa, il est l'imam de tout le monde, il aime tout le monde. Alors vous, non, mais on vous surnomme l'imam des juifs, on vous surnomme l'imam du maire, on vous a surnommé l'imam de Sarko, on vous fait tous les reproches, au fond, d'œuvrer pour le rapport. Le malheur de tout le monde. Et mais ça, comment vous expliquez une telle animosité que vous suscitez? Vous savez, le rapprochement, que je suis très proche de la communauté juive, de défendre aussi la Shoah. Il y a beaucoup, malheureusement, antisémites, anti-israéliens, ils ont eu toute leur haine contre moi. Vous savez, être à Drancy, pour moi, c'est pas un hasard, c'est le destin. Dieu, il a voulu que je sois à Drancy. Moi, je suis croyant. Tous les croyants, ils comprennent ce que ça veut dire le mot destin. Et vous savez, de défendre et de parler de la Shoah, c'est une cause noble pour un être humain. Quand je passe ma maison jusqu'à la mosquée de Drancy, je passe tous les jours, avenue Jean Jaurès. Il y a quoi? Il y a le wagon de la Shoah. Il y a le mémorial de la Shoah à ma droite. Et souvent, je dis à mes enfants, regardez l'homme, qu'est-ce qu'elle a fait à son frère. Je le dis à mes enfants et à ma femme, avant de le dire aux autres, que je défends ça, que je parle de ça, que je ramène 100 imams. C'est la première fois dans l'histoire de la Shoah en toute l'Europe. J'ai eu l'honneur de le faire. J'ai ramené 100 imams. C'était 2012. Il y avait, je le rends hommage au ministre Manuel Valls à l'époque. 100 imams devant le mémorial de la Shoah. Prions tous, parlons tous. Et ça, c'est devenu une vague de haine contre moi. Une vague de haine, et je suis devenu le responsable de crimes ou des choses qui vont se passer en Palestine. Je suis devenu le traître, le vendu. Vous savez, paix à son âme, le président Pérez, il y a l'année 2013 ou 2014, je l'ai vu plusieurs fois, et je lui ai dit, monsieur le président, heureusement, j'avais pas 90 ans. Sinon, ils vont dire, c'est moi qui j'ai fondé Israël avec vous. Tellement il y a des imbéciles. Et ça commençait. Et où j'ai eu le malheur et la propagande de haine de me diaboliser. J'étais l'homme de paix, l'homme qui aime tout le monde, très respecté dans ma communauté, et jusqu'à aujourd'hui. Je parle pas des islamistes. C'est 2009 et 2010. Ils ont laissé collectif Cheikh Yassine devant la mosquée pendant 10 mois et 10 mois. J'ai souffert 7 ans, 7 mois, pardonnez-moi, de décembre 2009 jusqu'à juin 2000. Vous savez, une machine, un appareil des islamistes, organisé avec ses adeptes, avec leurs moyens, tous les jours des tracts dans les boîtes à lettres, tous les jours contre moi. J'étais étonné, je dis qui le finance? Qui derrière ça? Et quand j'essaie de parler, ils ont quand même, se sont politisés, ils savent très bien comment communiquer. Propagande. La journée, ils se manifestent. Chalgoumi, les traîtres. Chalgoumi, les sionistes. Chalgoumi, les manipulateurs. Quel est le but? Comment? Dans leur esprit, quel est le but? C'est le but, voilà, de me diaboliser. Pour que chaque personne qui essaie d'avancer vers un islam de lumière, à l'islam de France, voilà, il devient le diable. Il devient isolé. Il devient la personne menacée. Et c'est là, ça a découragé. Vous savez, moi j'ai fait un pas énorme vers l'islam de France. Quand j'étais contre le voile intégral. Je l'ai dit, je l'ai énoncé. J'ai pas été politiquement contre le voile intégral. J'étais religieusement, parce que je montrais dans le texte. Mmh. Regardez dans le texte, il n'existe pas le voile intégral. J'essaie de parler à des religieux. Ramenez-moi des textes, des versets coraniques qui parlent comme quoi le voile intégral existe. Et que le visage de la femme c'est impudeur. Et qu'on n'a pas le droit de serrer la main d'une femme. Et qu'on n'a pas le droit ça. Et ça, j'ai commencé. La machine de l'islamisme, la machine de l'ingérence étrangère, elle est venue contre moi, avec ses moyens, avec leur propagande, et le net. Ils m'ont pas aidé, le net. Vous savez, je vous donne l'exemple Wikipédia. Est-ce qu'un imam, il a autant de puissance pour changer Wikipédia? Est-ce Vedgat, elle change? Des saletés, des défamations, même les moyens pour attaquer la défamation. Juste, j'attaque qui? J'attaque seulement les menaces de mort. Et c'est rare, parce qu'il faut un huissier, il faut un avocat, il faut des moyens. Dans ce cas, ce combat était rude, dur, surtout 2009-2010. J'ai compris quand même, il y a l'excellence de l'islamisme très fort en France. C'est une machine très organisée, ils ont les moyens, ils ont touché la jeunesse, une partie surtout des jeunes, et c'était, voilà... Alors dans votre livre justement « Sans idées reçues sur l'islam », à la page « Islamiste », vous dites que c'est un courant politique qui place l'islam au cœur de son projet de société. Le plus connu est celui des frères musulmans, nés en Égypte sous l'impulsion de Hassan al-Banna en 1928. L'islamisme est donc à l'origine un projet politique. L'opposé d'un musulman islamiste, c'est un musulman qui tient à ce que la religion reste dans la sphère privée. Là encore, pour la majorité des musulmans de France, il n'est pas question d'islamiser la France et de faire de l'islam la religion des Français. Ils sont majoritairement laïcs, comme le montrent tous les sondages sérieux, écrivez-vous. Oui, tout à fait, absolument. Vous savez, la majorité de nos concitoyens qui sont discrets, qui sont... ils vivent leur religion traditionnelle, comme les juifs des Kippour. Il y a les musulmans de Ramadan. Pendant les fêtes, ils veulent vivre leurs fêtes. Ils veulent vivre leur foi. Vous savez, ils viennent me voir pour les religions quand il y a des problèmes de divorce. Mais c'est rare que je le vois le vendredi. Ils viennent pas les vendredis. Peut-être il y en a certains. Ça, mais l'islamisme qui a touché quand même, ça, le livre il y a 5 ans ou 4 ans, qui a touché un nombre important, c'est les personnes qui surfent, qui sont sur le Google, Internet. C'est énorme. Vous avez 2300 sites Internet francophones. C'est incroyable. Comment vous pouviez séparer que ça c'est autorisé ou non? Beaucoup de jeunesse sont naïfs. Une partie des jeunes sont naïfs. Quand ils veulent apprendre leur religion, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chez Google. Comment je peux prier? C'est qui Chalgoumi? C'est qui tel? Est-ce que ça c'est haram ou non? Et quand vous avez, malheureusement, plus de sites islamistes, frères musulmans et salafistes les deux, ils sont puissants. Ça, c'est là qu'on a les conséquences. Il faut comprendre pourquoi on a autant de centaines, ils sont partis en Syrie, en Irak. Il y a une machine derrière ça. Il y a une propagande qui l'a touché, cette jeunesse. En même temps, deux choses qui, pour moi, sa première, ils ont un problème d'identité, relation avec leur patrie. Mm-hmm. Je suis triste pour ça. Vous savez, حب الوطن من الإيمان, l'amour de la patrie, c'est une partie de ta foi. Ah oui. Ça, je le trouvais toujours dans l'école de la République en Tunisie. Oui, mais dès que je rentre, je trouve la poésie qui met en valeur l'éducation et le professeur comme un prophète, un messager qui transmet un message. Vous savez, quand j'étais devant le collège de Samuel Paty, j'ai eu le sentiment de trahir. Il nous a trahis. Mais alors, vous êtes excusé au nom de votre religion après l'assassinat de Samuel Paty. Oui, madame. Quand quelqu'un est tué au nom d'Allah, il a sali Allah. Quand quelqu'un est tué au nom du Coran, il a salué le Coran. Mais là, on parle d'extrémistes, des terroristes islamistes. Oui, on parle pas d'islamistes. Quand il dit Allahu Akbar, il a mis tous les musulmans avec lui. Quand il dit au nom de... Vous savez, je ne crois plus les théories de l'eau solitaire. On arrête. Ça n'existe plus, un l'eau solitaire. Ça n'existe plus. Vous le voyez, un individu, mais derrière lui, il y a qui? Il y a un prêcheur de haine. Il y a un islamiste qui l'a lavé son cerveau. Comme, vous savez, le jeune Tchétchène, ce terroriste, voilà, qui a assassiné le martyr, je le dis, je le répète, le martyr, Samuel Paty. Pourquoi? Vous savez, quand il avait l'âge de 12 ans, il était innocent, ce jeune homme. Et oui, il avait 12 ans, il veut jouer comme tout le monde. Comment il s'est transformé par une machine de guerre à l'âge de 18 ans? Comment il peut transformer par un monstre? Oh my God! C'est incroyable de décapiter la tête de quelqu'un à cœur de Paris. Brandissant le texte, justement, le faire au nom d'Allah. Jamais. Là, j'ai presque 48 ans. J'ai jamais eu le courage de sacrifier une poulet ou malgré c'est béni, un imam, le sacrifice de l'Aïd. Pour moi, c'est difficile de voir le sang. Mais comment il peut... C'est pour ça que c'est étonnant que vous vous excusiez au nom des musulmans, comme si finalement vous faisiez partie de la même famille, alors madame, que c'est pas du madame, tout la même chose. Madame, c'est pas la même famille, mais ils sont une partie de nous. Moi, je rentre pas aussi, j'aime pas ce discours victimaire qui disent que... Non, ils sont pas musulmans, on arrête. L'islamisme est une partie de l'islam. C'est une partie... Là, tout le monde n'est pas d'accord avec vous sur ce point. Certains diront, oui. Non, on ne parle pas de l'islam. Non, mais ils veulent toujours comme ça. Ils veulent dire... Dans ce cas-là, comment on va régler le problème, madame? Comment on va régler le problème? Si on n'a pas le bon constat, on n'a pas le bon remède. Il faut dire la vérité. C'est une partie du génome. Mohamed Merah, il était quoi? Kouach, il était quoi? Koulibaly, il était quoi? Abaoud, il était quoi? Tous ces criminels, ils étaient musulmans. On arrête. Parce que là, on ne veut pas voir la réalité en face. Quand il y a des gens qui viennent me menacer au nom de l'islam devant la mosquée de Drancy, ils viennent me menacer. Et c'était quoi? Ils s'appellent Abdel et Khadija et tout ça. On arrête. Oui, ils ont un Coran rigoriste, islamiste. Mais c'est une partie de nous. Et cette partie de nous, il faut que nous, on les dénonce. C'est notre travail. C'est notre travail. Et quand je lui dis pardon, madame, il faut dire pardon au nom de l'humanité. Pardon à quelqu'un, il assassine quelqu'un au nom de ma religion. Je lui dis pardon à l'humanité. Le pardon, c'est un signe d'amour. Que pardon parce qu'il a utilisé le sacré, le mien, pour commettre des crimes. Il est où le mal? Et dès que, vous savez, il arrive attentat ou crime, il y a une partie du musulman. On est entre les deux. Entre un discours victimaire islamiste, et extrême gauche aussi, et entre un discours de père, de peur et de division, celui de l'extrême droite. Moi, je veux passer deux discours. Je veux un discours responsable, d'un discours de parler. Quand ces islamistes, comment ils commencent? Ils ont une ligne. C'est quoi cette ligne? Ils savent les lignes rouges. Ils connaissent nos failles de nos systèmes. Leur discours, jamais ils passent à l'acte, ces islamistes, comme Abdelhakim Soufrioumi, comme plein de monde comme lui. Mais qui va passer à l'acte? Des jeunes naïfs, problème d'identité, repère, relation avec leur nation, problème de divorce, manque d'éducation, il y a de tout. C'est des personnages faibles, fragiles, sensibles, c'est eux qui passent à l'acte. Et on a eu le cas de plein de jeunes comme ça. C'est une jeunesse, malheureusement, qu'elle essaie à la confrontation. Au lieu de dire le discours victimaire comment, et que je le déteste, sorry, j'aime pas ce discours victimaire. J'aime pas ce discours victimaire. Pourquoi vous avez autant de haine et rage sur la société française? La France, elle va tout donner. Ma femme, c'est la deuxième génération, elle est née en France. Mes enfants, j'ai l'honneur, ils sont nés ici. Ce sont des patriotes. Vous savez, j'ai l'honneur que mes enfants, je leur ai enseigné le hymne national avant la sourate Al-Fatiha, la première sourate. Ils m'ont dit, pourquoi papa? J'ai dit, vous savez, quand vous savez l'attachement de vos valeurs à une terre sacrée comme celle-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de vide dans votre esprit. Moi, j'ai pas de vide. J'ai pas de ce vide-là. Ce vide qui va me le remplacer, Daesh, avec un drapeau noir. Non, je l'ai pas. Je dis à mes enfants, le drapeau français, c'est votre drapeau. Et le hymne national, j'étais fier, j'étais dans un des pays de l'étranger, avec l'école. Et la majorité, ils connaissent pas le hymne, il y a que mes enfants. Le professeur, il m'a appelé, il m'a dit, vos enfants, ils m'ont sauvé. Je dis, j'étais fier. Et ma femme, elle a compris mon message. Je dis, madame, ma chérie, ça, c'est la première chose. Il faut qu'ils comprennent. Et deuxièmement, la France, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a tout donné, sorry. Il y a des qualités, il y a des défauts, c'est pas le paradis, 100%. Mais quand même, c'est pas l'enfer des dictatures. Il y a de liberté. Vous savez, il y a 2500 lieux de prière. Juste ces jours-là, j'en train de passer dans la presse arabe. Pourquoi? Pour parler le bien-être et le bienfait de la France. Que la liberté, elle existe. Que la diffamation, malheureusement, d'Erdogan et des islamistes, qui essaient de nous montrer qu'ils nous comparent de la Shoah, c'est une honte. Et qu'ils nous comparent les croisades. Vous savez, quand ils parlent, Erdogan, de les croisades, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y a une guerre musulmans et chrétiens. Honte! Et regardez les conséquences. Une église qui était attaquée. Et trois martyrs, ils ont perdu leur âme. Je pense qu'il faut parler de bien. Je donne la responsabilité des parents. Première école. Aux parents. Enseigner. transmettre l'amour. Même avec, vous savez. Oui, mais là, vous parlez des parents d'élèves, justement, c'est ça qui a posé problème lors de l'assassinat de Samuel Paty, justement, puisqu'un parent d'élève avait d'abord commencé par porter plainte parce que Samuel Paty avait montré des caricatures. C'est une honte, c'est une honte. Vous savez, pourquoi? Je vous donne l'exemple. Le prophète de l'islam, il y avait quelqu'un qui est venu dans sa mosquée, un bédouin, et lui, il est en train de prêcher. Ce monsieur, il ne connaît pas les traditions et les respects de la mosquée, il a uriné. Et là, à ce moment, le prophète, les Arabes ou les Bédouins à cette époque, ils étaient un peu agressifs avec lui, ils ont voulu l'agresser. Mais le prophète de l'islam, il a dit, oh là là, non, non, arrêtez, il ne faut pas réagir le mal par le mal. Il est parti le voir, il a dit, jeune homme, ce lieu, il est sacré, on n'a pas le droit de faire ça. Mais ici, on apprend. Ici, on écoute les belles paroles. Et c'est la personne tellement... comment le prophète il a réagi vis-à-vis de lui. C'est là qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à comprendre. Vous savez, dans le soufisme, j'ai un grand soufi, il s'appelle Cheikh Mohammad Darja. C'est un grand leader qui est décédé, paix à son âme, en Inde. Il m'a enseigné une chose. Il m'a dit, mon fils... Dieu vous a donné deux yeux, une pour regarder la beauté de la créature, ses créatures, et l'autre pour regarder vos défauts. Pourquoi voyons pas le positif chez la communauté, chez l'homme, chez la nature, tout le monde, et l'autre vos défauts, quand on est en train de chercher les petites bêtes, ce professeur, il est libre de montrer. Il est libre. Il faut comprendre le contexte. Hier, j'étais sur une chaîne, elle s'appelle Sky News. Chaîne arabe, connue, le monde à la deuxième. J'ai exprimé, c'est quoi la liberté? Il faut connaître l'histoire de la France. Il faut connaître l'histoire, comment Napoléon il a imposé le consistoire. Et connaître 1905, eh ben, l'Église. Ouais, c'est toute la question, justement. Si on sépare d'un côté la religion et de l'autre la République, faut-il séparer la croyance d'un côté et la raison de l'autre dans les textes de l'histoire de la philosophie et dans le Coran lui-même? La question se pose, la question est soulevée. Je vous propose qu'on écoute un texte d'Averroès qui interroge justement cette distinction entre d'un côté l'imam et de l'autre le philosophe. Dans quelle mesure peuvent-ils cohabiter? Voici le texte. Nous en avons vu des contemporains qui croyaient philosopher et percevoir par leur étonnante sagesse des choses contradictoires en tout point à la loi divine et qui croyaient que c'était un devoir d'exposer ces choses aux vulgaires. En exposant aux vulgaires ces fausses doctrines, ils ont causé la perte du vulgaire et la leur dans ce monde et dans l'autre. Le rôle de ces gens-là, par rapport au rôle du législateur, est semblable à celui d'un homme prenant à partie un médecin habile qui a pour rôle de conserver la santé de tous les hommes et de les délivrer des maladies en leur donnant des préceptes. Ils se présentent aux gens et leur disent « Les méthodes qu'a instituées pour vous ce médecin ne sont pas vraies. » Et il entreprend de les ruiner jusqu'à ce qu'elles soient ruinées dans leur esprit. Crois-tu que les gens qui se trouvent dans ce cas ne feront aucune des choses qui sont utiles pour conserver la santé et délivrer de la maladie? Ou que celui qui a découvert la fausseté de leurs croyances pourra les employer en les soignant? Non, il ne pourra les employer, et leur perte sera générale. Tel est le cas de celui qui découvre les interprétations aux vulgaires et à ceux qui n'y sont pas aptes en ce qui concerne la loi divine. Il la corrompt et en détourne. Et celui qui détourne la loi divine est infidèle. Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Quelle est la place du savoir dans la religion? Quelle est la place de la religion, l'éducation religieuse dans les lieux de transmission de savoir en République, à savoir l'école, à Sen Chalgoumi? C'est la question que nous posons ce matin. Dans le texte que nous venons d'entendre, Averroès distingue bien l'imam, enfin, disons le religieux d'un côté et ce qu'il appelle le philosophe de l'autre. On pourrait aussi dire le scientifique. À l'époque, c'était vraiment la science au sens très large. Pour finalement quand même affirmer le primat, la prééminence de la démonstration rationnelle sur le texte révélé. Est-ce que cette position-là, elle est fidèle à ce qu'on peut lire dans le Coran, ou est-ce que Averroès ici a une position qui est subversive par rapport au texte religieux? Vous savez, le premier mot qui est descendu du Coran, c'est « iqra », lire. C'est la première chose. Quand l'ange Jibril est venu au prophète de l'islam, il a dit « iqra ». C'est le savoir. C'est la première chose, c'est le plus important. Je pense que l'islam, la conquête de savoir, elle était obligatoire pour chaque croyant. Il y a un proverbe de prophète de l'islam, il dit « Cherchez la science même en Chine ». Ça veut dire tellement loin. Et aussi, la période de connaître la religion, ou la science en général, ou le savoir, il est dit, de la naissance jusqu'à les dernières minutes de votre vie. Et c'est important. Un peuple ignorant qui n'est pas un peuple éclairé, désolé. La connaissance. Mais en même temps, il y a un débat interne chez nous entre la raison et la foi. Précisément, c'est pour ça que je vous pose la question. Et la foi, oui, ça c'est le débat depuis des siècles et des siècles. Il y a une période, la période de Harun al-Rashid, on appelle l'âge d'or, où il y a les grands philosophes comme Al-Farabi, Ibn al-Haytham, Ibn al-Arabi, tout ce monde-là qu'ils ont fait des débats internes. Mais ces personnes rares, ils n'étaient pas autant menacées, il ne faut pas croire. Aujourd'hui, on vit un moment de violence. Pas cette période. Cette période qu'ils étaient éclairés, qui peut critiquer, qui peut, vous savez, comme l'imam al-Ghazali. Oui, il est un peu sophie, mais d'une manière, il cherche un peu, pas la raison. Al-Ghazali, justement, était contre l'enseignement de la philosophie, pensant que ça venait menacer la foi elle-même. Et c'est Averroès écrit en réaction. Mais en même temps, il a sa propre philosophie à l'intérieur. Quand il vous demande d'avoir des doutes sur l'existence de Dieu. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une force. Ça donne la réflexion de réfléchir. En fait, les deux ne sont pas séparables. C'est ça que veulent dire cette question. Absolument. Quand j'étais dans mon lycée en Tunisie, l'année de bac, on avait les matières de philosophie. J'avais un prof de philosophie athée. Il ne croit pas à Dieu. Directement, on lui dit. Il dit, vous croyez que Dieu existe? Et d'une manière. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui l'a insulté. Il niait totalement l'existence de Dieu. Mais on a vu du respect pour le prof. Et on commence à faire des débats. J'étais un peu, on va dire, le croyant qui essaie de défendre. Mais d'une manière, il y avait du respect. Après, quand je termine, il me regarde, il m'a dit, bonne continuation, mon fils. Fier de toi. Mais je sais qu'il était athée. Il croit pas à Dieu. Mais tout à fait le contraire. Mais il y avait du respect entre nous. Cet esprit, il n'existe plus. Cet esprit, quand un prof, il vous montre les caricatures. Pour lui, attendez, pour lui, c'est la culture, c'est la pédagogie. Pour lui, pour montrer la liberté. Parce que, pourquoi les chrétiens et les juifs ne réagissent pas à la même chose que nous? Là, je demande aussi aux musulmans. Est-ce que vous croyez pas qu'ils n'ont pas montré la caricature de Jésus, de pas plusieurs fois, des années et des années? Mais l'église, elle a éduqué ses fidèles. Oui, oui, il faut le dire. Comment nous, on peut éduquer nos fidèles? Grâce, par les prêches, les mêmes, il a responsabilité. Par l'éducation nationale, il faut résister. Pas à la peur. Il faut lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire la liberté. C'est quoi le signe de la caricature? Et qu'est-ce que signifie? C'est pas anti une religion. D'une manière, même vous êtes d'accord, même ça vous plaise, mais comment vous réagissez? Parce qu'ils ont, vous savez, il peut être opprimé, mais il réagit mal et devient la personne. C'est plus la victime. Oui. Il faut le montrer, il y a une pédagogie, comment réagir. Et vous comprenez, vous, ceux qui sont justement blessés par ces caricatures? C'est Est-ce que vous avez été blessé par ces caricatures? Toute la famille monothéiste en général, dès que vous montrez leur idole ou leur sacré, sont blessés. N'importe quel. Juif ou chrétien ou musulman ou bouddhiste ou n'importe quel. Pour eux, c'est leur sacré. Et ça le touche, direct ou indirect. Mais la réaction qui est différenciée. Il y en a qui réagissent par la violence. Il y en a qui réagissent positif. Il y en a qui essaient d'ignorer. Moi, je l'ai donné l'exemple hier. Quand le prophète de l'islam, ils l'ont fait autant de mal. Et on sait très bien son histoire. Autant de mal. Il a jamais réagi de mal. Jamais. Quand il est arrivé à la Mecque, parce qu'ils l'ont expulsé de la Mecque. Il a resté 13 ans à l'expulsion. Ils ont tué sa famille, ses proches. Ils ont fait autant de mal contre lui. Quand il arrive à la Mecque, ses propres amis sont arrivés, ils ont dit, qu'est-ce que Dieu va faire de nous? Il a dit, qu'est-ce qu'il va faire un frère à ses frères? Allez-y, vous êtes libres. Pourquoi on s'inspire pas de ça? Pourquoi on s'inspire pas de l'amour? Le prof, il m'a montré la photo de prophète. Moi, je leur amène une fleur. Je l'invite à un couscous. Mais cet esprit! Mais certains vont vous rétorquer, oui, mais vous êtes déconnectés des réalités sociales, des personnes dont nous parlons, que si catholiques et musulmans ne réagissent pas de la même façon, c'est que les musulmans n'ont pas la même place dans la société française, que ce sont des minorités qui sont défavorisées, qu'il y a des raisons sociologiques et pas religieuses à réagir. Ce discours-là, c'est ça qui a détruit cette jeunesse. Pourquoi? Allez voyager à l'étranger. Allez voir ailleurs. Voyagez, choisissez liberté et démocratie de la France ou la dictature de certains pays et la haine. Allez voyager ailleurs. Vous allez voir, vous n'avez pas l'accès de l'école. Ça, c'est une chose incroyable. qui n'existe nulle part au monde. C'est très rare. Vous avez la possibilité des soins, de la liberté de parler, de la liberté de se déplacer, de la liberté... C'est incroyable. Des choses qui sont sacrées, qui nulle part vous le trouvez. Allez voyager ailleurs. Regardez comment ça se passe ailleurs. Il y a des gens qui dépassent les Méditerranées. Ils risquent leur vie pour venir avoir. Je pense que allez voyager ailleurs pour venir. Et après, oui, madame, si je suis pauvre ou j'ai des crises familiaux, est-ce que je deviens un monstre? Je deviens un assassin? C'est une honte. Normalement, cette faiblesse, ça me donne la force de travailler. Cette faiblesse, ça me donne la force. Mais ça, c'est comment on tourne ça? Comment on peut l'utiliser? Que devient un moteur de résister, de travailler? Je connais un de mes amis qui a étudié, il était en Sousse, il est né avec des parents pauvres, il part à l'école, il m'a dit, il part à l'école les pieds nus. C'est une famille pauvre. Il a étudié en Tunisie. Après, il a eu son bac. Quand il a terminé son bac, il est venu en France. Il a étudié 4 ans comme avocat. Il est parti à Washington. Il a étudié à Harvard. Il est devenu avocat général. Et maintenant, c'est un homme, un des personnes les plus connues qui existe. Oui, mais on vous dira, c'est une exception. Mais non. Il était pauvre, mais l'école qui l'a sauvé. La force, il avait pas de la haine sur personne. On arrête de donner et accuser les autres. Vous savez, on a un proverbe, les Sophies, quand vous accusez quelqu'un comme ça, vous montrez le doigt, il y a 3 qui retournent vers vous. Il y en a une vers lui. Quand vous accusez la France, vous accusez les politiques, c'est facile de dire ça. Les parents, c'est une jeunesse qu'elle lèche les mains facilement. Ils sont que pour accuser, pour parler de mal, parler de bien, parler des choses qui sont positives. Allez travailler. Sorry, quand j'étais... Aux États-Unis, il y en a, ils disent que j'ai pas le droit d'aller aux États-Unis. Oui, vous seriez interdit de séjour aux États-Unis. Chaque année, grâce à Dieu, je pars aux États-Unis. Dernièrement, le mois de mars, j'étais à Washington. J'étais à Washington dans un hôtel. J'étais invité pour une conférence. Je vois un jeune homme, il vient me voir, il m'a dit, bonjour, monsieur l'imam. Je dis, oh my God, même ici. Je lui dis, oui, vous allez bien, ça va? Il m'a dit, je suis votre voisin, vous habitez où? Il m'a dit, Blanc-Ménil. Oh, enchanté. Il m'a dit, des parents kabyles, ravi. Et qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, il m'a dit, je suis un avocat à Washington. Oh, et vos parents, qu'est-ce qu'ils font? Ma mère, c'est une femme au foyer, et mon père, il travaille nettoyage. Il nettoie dans une société. Je lui dis, regardez. Est-ce que cette pauvreté ou la situation économique qu'il a, il est devenu monstre pour Daesh ou il est devenu quelqu'un éclairé, avocat à Washington? Ça, c'est la fierté. Mettez des positifs. Mettez des choses positives que vous pouvez changer votre avenir. Je prêche les vendredis, mais je ne suis pas la seule imam dans notre mosquée. Il y a aussi un homme. Nous avons vraiment tenu à créer ce projet de mosquée sur cette idée de complémentarité et d'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. D'ailleurs, dans l'espace de prière, les hommes et les femmes sont placés au même niveau, dans la même salle. On peut dire que c'est un islam réformiste. Ceci dit, j'aimerais m'arrêter sur le mot réformisme parce que certains pensent que être réformiste veut dire qu'on essaye de changer l'islam. Oui. Ou non, en fait, il s'agit surtout de revenir à la lecture des textes fondateurs en mettant de côté toutes les strates d'herméneutique qui ont été construites pendant des siècles et des siècles. Et parfois, ça crée une opacité qui fait qu'on ne comprend plus ce que les textes fondateurs voulaient vraiment dire. Vous venez d'entendre la voix de Kaïna Bahloul, qui est la première femme imam de France, qui défend un projet de mosquée mixte, fondée sur l'égalité, la complémentarité homme-femme. Elle défend ici le réformisme comme un retour aux textes fondateurs. Vous souscrivez à cette définition, Hassan Chalgoumi? Je la porte mon soutien et mon respect. On appelle le bébé l'Ijtihad. La porte de l'Ijtihad, c'est presque 3-4 ans, 3 siècles, il est fermé cette porte. J'en veux énormément aux Ottomans. Les Ottomans, quand ils ont entré dans le monde arabe, ils ont stoppé les réformes. Ils ont stoppé toute innovation qu'il était à l'époque au Mayad, au Bagdadi ou en Espagne. Je leur rends hommage. Je pense que pour nous, c'est un peu de temps, parce que le judaïsme qu'ils ont eu des femmes rabbins, ça fait pas longtemps. Nous, on est au 14e siècle, le judaïsme, ça fait 3000 ans. De trouver quand même une femme prêtre, c'est compliqué. ces débats, je le dis, je le tire mon chapeau, respect, courageux. Je souhaite l'inviter aussi à ma mosquée à Drancy, débattre, parler avec les fidèles. Et ça, c'est le respect. Vous savez, cet amour que j'ai pour chaque croyant ou non-croyant, c'est l'amour humain. Quand quelqu'un qui possède dans son cœur cet amour, ce respect, je tends de la main. Il faut débattre. On peut être en désaccord 99%. On a 1% de d'accord. Pourquoi on ne débattre pas sur ça? Pourquoi qu'on s'y aligne pour ça? Dès qu'il y a quelqu'un qui est différent, on le rejette, le boycott, la haine. On essaie d'isoler, la diffamation. Pourquoi ils ont oublié? Vous savez qu'il y a quelques jours, je mets sur ma page des commentaires. Je parlais de l'islamisme, tout ça. Je trouvais sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, 12 000 commentaires. My God. Vous savez, premièrement, je réponds pas, je regarde pas tous ces critiques et ces insultes. Mais sachez que je le dis autant que croyant et religieux, un homme libre qui risque sa vie, qui le paie très très cher, parce que je me plains pas moi. Je le fais par conviction. Je suis convaincu. Et je suis fier de ce combat depuis 15 ans. Il y en a qui m'ont pas cru. Les morts, ok, j'accepte les morts. Se moquer, c'est pas grave. Se moquer de moi. Se moquer de mon accent. Se moquer de ma vision. Mais vous avez pas étudié. Mais quelqu'un, si vous avez le respect. Si vous se moquez de moi, ça veut dire vous se moquez de vos parents aussi. Hein? Vous se moquez de la première génération qu'ils ont réussi. Si vous avez la connaissance de la religion, venez débattre dans la paix. De venir enrichir nos idées entre nous, au lieu de la haine et les insultes. Ils insultent ma femme, mes parents, ils insultent tout le monde. Ils me menacent, vous savez, depuis juste le dimanche, quand j'étais, le lundi, j'étais rend hommage au Samuel Paty, jusqu'à aujourd'hui, j'ai minimum 10 plaintes, menaces de mort, minimum. Il y avait même l'appel de menace de mort d'Al-Qaïda et l'Akmi à Boko Haram qui l'ont lancé là dernièrement, sûrement en plus. Pourquoi cette haine? J'aime bien comprendre. Vous savez, quand vous aimez pas la caricature, ignorez-la. Allez, comme le prophète, il a fait. Vous aimez pas regarder telle chaîne, changez notre chaîne. Vous voulez pas regarder ça. Pourquoi vous avez pas cet esprit? Vous avez l'esprit de confronter. Et ça, vous le dites pendant vos prêches? Bien sûr. Je dis, pourquoi la confrontation? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? Pourquoi? Je pensais qu'il y aura plus de gens éclairés ici qu'ailleurs. Je me trouve, j'ai tort, désolé. Le golf, il change. Les pays de golf, ils changent. Ils avancent vers la lumière. Ils avancent vers l'humanisme. Ils combattent l'islamisme. Ils font des relations avec Israël. Ils débattent pour la Palestine. Ils font des choses positives. Et nous, on est en train de reculer. Nous, on est en train de reculer. Reculer. Mais là, c'est qu'il faut trop... Un imam libre, je suis parti en Israël et en Palestine. J'étais en Palestine, madame. J'étais à Ramallah, 2012. J'étais, 2009, j'étais à Gaza. Je suis un homme de paix. De mon retour, je trouve une manifestation à l'aéroport de Roissy. Le traître, qu'est-ce que je traître? Qu'est-ce que j'ai vendu? J'aime bien savoir le mot traître. Vous savez, le mot traître, il est très dangereux. Et j'aimerais que nos législatives, nos politiques, ils comprennent que le mot traître, c'est plus qu'une menace de mort. Et je rends hommage au ministre de l'Intérieur, Darmanin, quand il parle des fatwas. C'est la première fois qu'un homme politique qui parle de fatwa. Oui, le discours islamiste, c'est une fatwa. Comment la fatwa? Comme Sefrioui, il m'a pourri la vie. Abdelhakim Sefrioui, collectif Cheikh Yassine. Pendant un an, ils m'ont diabolisé. Le discours islamiste, il prépare le terrain. Vous devenez l'ennemi. Vous devenez le traître. Le mot traître, Abdallah Azem, un des grands gourous de l'islamisme terroriste, il dit que le traître, si vous avez 10 balles, 9 pour le traître, 1 pour l'ennemi. Le traître, c'est une menace de mort. Merci Hassan Chalgoumi d'être venu à ce micro ce matin réfléchir sur le rôle de l'imam en République. Je rappelle qu'on peut lire de vous 100 idées reçues sur l'islam aux éditions Cherche Midi et paraîtra bientôt, toujours aux éditions Cherche Midi en début 2021, les combats d'un imam de la République sur France Culture. La journée spéciale va continuer hein, toute la journée. À midi, vous retrouverez Olivia Gesbert qui se demandera « Faut-il repenser la façon de traiter de la laïcité à l'école ?» À 18h20, le temps du débat par Emmanuel Laurentin. On se demandera si on peut apprendre l'esprit critique. Bref, la journée spéciale continue. Mais pour l'heure, sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Je me demande encore un peu de pratique. Bonjour, cher Aurélien. Bonjour, Adèle. Alors aujourd'hui, pour votre question, justement, vous vous demandez, est-ce qu'il y a toujours un problème d'offense dans les caricatures ? Alors je suis un homme blanc dans une société plutôt blanche et j'ai beau tout tenter, me laisser pousser une longue barbe, des moustaches à la Nietzsche, porter les cheveux longs, je n'échappe pas vraiment, comme ces rasta blancs qui hantaient ma jeunesse, à la profonde banalité de mon visage. Un ami peintre, d'habitude sympathique, m'a même fait récemment poser au Louvre devant un insignifiant portrait de gentilhomme en remarquant qu'on avait tous les deux le même air. L'air hébété, voire un peu con des gens interchangeables. J'étais tout au plus du point de vue éclairé de l'histoire de l'art dans les standards occidentaux caricaturalement banals. Je vous passe le commentaire que j'ai récolté sur Instagram sous un selfie masqué et certes un peu idiot de moi avec la dentelière de Vermeer, gros lourdeau, gros yeux bovins. À la limite, j'aurais pu m'enorgueillir d'échapper ainsi à ma banalité occidentale. Ce n'est pas si évident de se représenter à quelle caricature on pourrait ressembler. Donc vous dites en fait qu'on ne caricature vraiment bien que ce qui ne nous est pas familier. Alors, moi j'habite pas très loin de la place du Tertre, le supermarché parisien de la caricature, le Charlie Hebdo en plein air où des anonymes viennent du monde entier se faire défigurer pour une vingtaine d'euros, et ça ne m'est jamais venu à l'idée, même au plus fort de mes poussées narcissiques, d'aller me faire caricaturer là-bas, car rien n'est plus laid qu'une mauvaise caricature. Les Macron standards qu'on produit là-bas, avec leurs dents du bonheur exagérées et leur grand nez, me dégoûtent viscéralement. Oui, en fait, vous n'aimez pas les caricatures, Aurélien. Je ne dis pas ça. J'ai connu l'époque, dans les années 80, où Plantu était presque aussi bon que le jeune Hergé. J'ai lu chez ma grand-mère à la fois un recueil de Jacques Faisan et un album du Grand Duduche, apprenant du même coup, dès l'enfance, comment être adolescent et comment devenir un vieux con. Par contre, oui, je pense qu'il faut garder dans ces débats un peu explosifs sur les caricatures un minimum de sens esthétique. Oui, mais alors là, ça conduirait à les dépolitiser, pardon, non ? Bah, vaste débat, tranché peut-être trop radicalement dans les deux sens par le New York Times quand il a décidé d'arrêter de faire appel à des caricaturistes et par Charlie Hebdo quand il a décidé de republier les caricatures objectivement mauvaises d'un dessinateur danois. Mais une caricature qui ne dérange pas, est-ce que c'est encore une caricature ? Certes, mais avons-nous sérieusement été déjà offensés par une caricature ? Car c'est toujours les autres qu'on caricature. Mais bonne nouvelle, et premier pas, certes très personnel, dans mon appréhension de la caricature sous cette catégorie nouvelle de l'offense, j'ai été presque offensé par une caricature. Alors laquelle ? Cette caricature, vous l'avez sans doute vue. Aurélien, on vous a perdu au moment où vous nous parlez de votre offense dans la caricature. Ah, vous voilà. Il avait l'air... Ah, vous m'avez perdu. Alors oui, redites-nous, quelle caricature vous a offensé ? Bah celle qu'on a vue ces jours-ci, un Macron en diable rouge à la Hellboy, en couverture d'un journal iranien. Ce Macron n'avait pas l'air simplement méchant, il avait l'air méchant d'avoir l'air trop occidental. Et ça m'a rappelé ces Arabes de fiction qui peuplaient les séries américaines de l'après 11 septembre. Ils portaient sur leur visage qu'ils étaient des terroristes. D'ailleurs, dans 24 heures chrono, série la plus emblématique d'alors, la même intrigue se répétait toujours. Un protagoniste, à l'air arabe, était pris pour un terroriste. C'était jugé raciste, le temps d'un épisode ou deux, mais rapidement, les choses revenaient à leur place quand il s'avérait qu'il s'agissait bien d'un terroriste. Alors que le visage de Macron, mon visage, celui de n'importe quel occidental au trait un peu standard, de n'importe quel portrait du Louvre au hasard, puisse échapper à sa banalité et se transformer en allégorie du mal, cela m'a étonné. Pas offensé non plus, mais c'était la première fois tout simplement que je me suis senti racisé. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Un grand, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Et cette semaine, c'est encore plus compliqué. Confinement oblige, alors un grand merci à eux. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni avec Manon de la Selle, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. Esther Valensic était à la réalisation, Somaya Dabesh à la prise de son, Vincent Schmitt à la lecture des textes. La journée spéciale sur France Culture continue, hein, la journée contre l'obscurantisme et pour l'éducation. Olivia Gisbert, à midi, se demandera si on peut repenser la façon de traiter la laïcité à l'école. À 18h20, le temps du débat, Emmanuel Laurentin se demandera avec ses invités si on peut apprendre l'esprit critique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour la première émission d'une série autour de la transmission, en partenariat avec le festival Cité Philo qui devait débuter le 5 novembre, qui a donc été annulé à cause du confinement, mais qui existera en partie virtuellement sur leur site internet. Demain, nous, on sera en compagnie de la philosophe Joëlle Zask. On parlera de John Dewey et de l'éducation démocratique. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou en téléchargeant l'application Radio France.